Je vous souhaite un tout bel après-midi. Sur la première, c'est l'heure d'Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, encore et toujours... Quand le prix du baril était au-dessus de 100 dollars, c'était fou. Le pétrole, c'est l'excrément du diable. Il existe en pratique assez peu d'exemples de pays pour qui la manne pétrolière a été une bénédiction. We are pursuing American energy dominance and by the end of this year... Oh, je vous en prie, épargnez-nous vos commentaires. Nos 3 litres de super, un point, c'est tout. Et le tien n'a pas la capacité de voir clair dans la comptabilité d'une grande société comme Esso. Ces acteurs financiers, c'est-à-dire ce sont des gens, ils n'ont jamais vu une goutte de pétrole. On voit ce pétrole qui sort du trou au fond. Et après, on lève la tête, on regarde autour de nous et on voit des bidonvilles qui n'ont pas d'électricité. L'importation de la benzine devient chaque jour plus difficile. Les réserves établies par la Suisse doivent être économisées. C'est une science, l'évaluation des réserves, mais c'est une science inexacte. Deuxième épisode, origine, tarifs et dépendance. Oil, oil, oil, oil, oil, oil, oil. Où est l'huile? Où est donc le pétrole? Le pétrole est situé dans deux grandes zones. Le Moyen-Orient, à la fois riche en pétrole et en gaz, la Russie et les deux pays riverains de la mer Caspienne orientale, le Kazakhstan et le Turkménistan. On trouve du pétrole et du gaz ailleurs que dans ces deux grandes zones, mais ces régions possèdent moins de réserves. L'Amérique du Sud, en particulier le Venezuela, l'Afrique de l'Ouest. Comment le pétrole vient-il jusqu'à nous? Comment, du cœur de la Terre, devient-il cette matière fossile devenue si nécessaire à notre vie quotidienne? Georges Gorin, professeur à l'Uni de Genève. Le pétrole provient de la désintégration sous l'effet de l'enfouissement, d'une part dans des marécages comme se forme le charbon. Le charbon peut être en particulier une roche mère de pétrole. Et ces couches de charbon s'enfouissent et sous l'effet de la pression et de la température, elles s'enfoncent. Ou bien dans les mers, par exemple, il y a beaucoup de plancton qui vit dans les mers. Sous certaines conditions, ce plancton, lorsqu'il meurt, il va se déposer au fond des océans, il va se faire ensevelir sous d'autres sédiments. Et avec l'enfoncement et la chaleur, il se produit une sorte de distillation naturelle. Il remonte, cette remontée, ça s'appelle la migration, jusqu'à ce qu'il rencontre des circonstances favorables, c'est-à-dire une roche poreuse. Et également, il faut trouver au-dessus de cette roche poreuse une roche imperméable, comme de la terre glaise, des argiles, qui vont bloquer sa montée vers le haut, et ça forme des champs pétroliers. Donc le pétrole, il imprègne des roches qui ont une certaine porosité. La porosité, c'est donc la quantité de vide qu'il y a dans une roche, et il faut que ces vides soient reliés entre eux, un peu comme dans une éponge quand on pompe de l'eau. Et quand on dit qu'on pompe du pétrole, on ne trouve jamais une caverne dans le sous-sol. On trouve du sable, par exemple, du sable qui est, au lieu d'être imprégné d'eau, il est imprégné de pétrole ou d'hydrocarbures. Le terme scientifique, ce sont plutôt hydrocarbures. Autre question, la consommation. Une consommation qu'on estime aujourd'hui effrénée, notamment en Europe, aux États-Unis et à présent en Chine. Combien consommons-nous d'essence? Consommez beaucoup d'essence? Environ 20 pour 20 francs par jour. 120 litres par semaine, donc 480 litres par mois. C'est énorme. Ça correspond à une moyenne de 10 litres 3 au 100 km. Est-ce que vous faites attention à la consommation? Est-ce que vous essayez d'économiser un petit peu sur le carburant? Pourquoi? Très cher. Ça coûte très cher. Mais le prix n'est peut-être pas le cœur de la question. Georges Gorin de l'Uni de Genève nous rappelle le problème essentiel de cette énergie. C'est une énergie qui est renouvelable, mais pas à l'échelle du temps humain. Le pétrole n'est pas seulement présent pour le fonctionnement des moteurs. Il a également envahi notre vie quotidienne, ou plutôt, l'humain s'est accaparé le pétrole lui donnant 1000 aspects. Aujourd'hui, le pétrole est bel et bien partout. François de Mestral, professeur à l'École des ingénieurs de Genève. À côté du carburant, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui, enfin, les raffineries, enfin, une filière chimique particulière va produire un grand nombre de matériaux différents. Et ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que la variété de ces matériaux est absolument immense. Parce que ça va du film plastique que tout le monde connaît pour emballer ses aliments, qui a évidemment pas beaucoup de propriétés autres que de protéger de l'air, mais ça va jusqu'à des applications extrêmement pointues, comme par exemple l'empennage, la queue de l'Airbus, qui est fait à base de fibres de carbone avec la résine époxy. Et ça, c'est encore une fois les précurseurs de tous ces produits qui sont très élaborés, très sophistiqués. Eh bien, on se retrouve dans la chimie du pétrole à la base. C'est plus facile de trouver d'autres sources d'énergie que de trouver d'autres sources de produits chimiques pour produire l'ensemble des matériaux plastiques, hein, des polymères qu'on utilise de nos jours. Philippe Cordonnier. C'est vrai que le pétrole est un produit multi-usage avec une diversité absolument extraordinaire d'applications. Il faut vraiment, vraiment l'économiser pour nous donner beaucoup de temps, plus de temps pour trouver autre chose dans le domaine de l'énergie, parce que dans le domaine pétrochimique, c'est effectivement très, très important pour notre civilisation. L'hypothèse de la carence énergétique ne date pas d'hier. Cela fait déjà un certain temps que l'on pose la question. Au cours de la guerre, cette question est alors posée du fait de la raréfaction du carburant. L'importation de la benzine devient chaque jour plus difficile. Les réserves établies par la Suisse doivent être économisées. La circulation est réduite au minimum absolument indispensable. La solution du problème des succès d'année devient chaque jour plus urgente. La plus grande richesse de notre pays est constituée par nos forêts qui couvrent le 24% de la superficie de la Suisse. Il faut 7,5 kg de bois pour remplacer 3 litres de benzine. La consommation actuelle en Suisse se situe autour des 13 millions de tonnes de pétrole, autrement dit 2400 litres par habitant, la moitié sous forme de carburant, 40% pour se chauffer. 13 millions acheminés par différents moyens, la plus grande partie est acheminée par oléoduc, une autre partie, la seconde, par ordre d'importance, vient par le Rhin, le reste par le rail et encore le reste par la route. Dans le port fluvial de Bâle, un jour ordinaire ressemble à une réunion de péniches chargées de pétrole venant de la mer du Nord. 30% des produits finis importés transitent par Bâle. Pour alimenter l'oléoduc du Jura, on transvase le brut traité par la raffinerie de Cressier, près de Neuchâtel, elle-même raccordée à un autre oléoduc venant de Fos-sur-Mer, près de Marseille. Une raffinerie qui couvre environ le quart de la demande en Suisse, environ 3 millions de tonnes par année. Depuis le port de Gênes, un autre oléoduc d'une longueur de 340 km fournit 2 millions de tonnes de brut transitant par le col du Grand Saint-Bernard. Et enfin, il y a Vernier, banlieue industrielle de Genève. Là, le pipeline délivre 800 000 tonnes de produits pétroliers par année, mazout, essence, kérosène. Autrement dit, une fourniture pour 7% de la population helvétique. Une consommation intense, condamnée peut-être à terme. Qu'en est-il de l'avenir? De notre avenir? Du pétrole, mais pour combien de temps? 40? 50 ans? Un point de vue, celui de Georges Gorin, de l'Uni de Genève. Je pense qu'il faut toujours citer les sources. Il y a tellement d'intérêts politiques, économiques, que c'est très difficile de s'y retrouver. Même les chiffres que l'on peut brandir, ça demande une certaine connaissance. Il y a des problèmes de probabilité et il y a des intérêts économiques. Les compagnies pétrolières ne travaillent pas pour le bien-être de l'humanité. C'est des entreprises commerciales comme d'autres. Donc, il y a beaucoup d'intérêt. Je pense que c'est clair que les réserves en brut vont diminuer. Charles de Mestral, président d'Atanor, une des trois compagnies pétrolières suisses, confirme l'information selon laquelle le pic c'est-à-dire le moment où la demande devient plus importante que l'offre, se situe entre 2010 et 2050. Instinctivement, je pense qu'il y en a encore. Je crois qu'on estime les réserves à peu près à 1 000 milliards de barils et on en consomme 25 par année. Alors on fait une proportion, on arrive à 40 ans. Oui. Bon. Il y a aussi beaucoup de pétrole lourd au Venezuela, au Canada, en Alberta. Et les estimations pour ces chiffres-là, c'est de l'ordre de 4 000 à 5 000 milliards. Je crois, en tout cas, l'époque du pétrole bon marché, comme on l'a vécu jusqu'à maintenant, ça c'est peut-être révolu, mais je ne trouve pas qu'on puisse dire qu'on est au bout des réserves. En plus, c'est une science, l'évaluation des réserves, mais c'est une science inexacte. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on trouvait de grands gisements, il y a 30 ans en arrière, régulièrement. Maintenant, on ne trouve plus de grands gisements. On trouve des gisements plus petits. Donc, on ne renouvelle pas. Philippe Cordonnier, représentant roman de l'Union pétrolière. Juste un petit commentaire, parce qu'on voit beaucoup dans les médias ces jours parler de la fin du pétrole, et c'est un terme qui me gêne un petit peu parce que ça fait peur aux consommateurs. On l'a vu avec la question des réserves, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il faut les faire durer un maximum pour nous donner plus de temps pour trouver une autre énergie vraiment renouvelable. Donc il n'y aura pas une fin brutale, mais une fin peut-être en douceur avec une transition avec d'autres énergies. Mais comme, décidément, tel le sparadrap de Haddock, de pétrole, il est toujours question, à bon entendeur. Nous sommes à Sillbrook, près de Zoug. Dans cette usine, on fait du mazout avec des déchets plastiques. Toutes les sortes de plastiques peuvent être utilisées dans des proportions diverses, sauf les plastiques dialogènes tels le PVC. Les déchets triés sont débarrassés de leurs dernières impuretés et réduits en flocons, avant de finir dans les installations de l'usine construite en 2006, la première du genre, pour expérimenter le procédé à l'échelle industrielle. Dans un premier réacteur, les flocons sont portés à une température de 400 degrés afin d'en faire une masse homogène. Le mélange passe ensuite dans un deuxième réacteur. Ici, la masse fondue est chauffée de telle manière que les molécules de polymère se fractionnent et se transforment en gaz. On appelle cela du craquage, comme dans une raffinerie. Le gaz issu de ce procédé passe ensuite dans un condensateur. Là, il est refroidi et se liquéfie à nouveau. Chimiquement parlant, on appelle cela un distillat intermédiaire. Docteur Gerold Weser, chimiste. Ce n'est rien d'autre qu'un liquide très similaire à du diesel ou à de l'huile de chauffage. Nous pouvons fractionner ce mélange de benzine et de diesel et nous obtenons au terme du processus un diesel pur. Pur, mais d'abord destiné à être brûlé dans des chaudières à mazout. Le même sort que les déchets de plastique valorisés thermiquement dans une centrale d'incinération. Alors, pourquoi se donner toute cette peine ? La raison est que dans les stations d'incinération de déchets ménagers, vous avez toujours le problème de la combustion, qui n'est pas toujours aussi efficace qu'elle devrait être. Je vous donne un exemple. Avec un kilo de plastique, nous arrivons à faire un litre de diesel avec une très haute valeur calorifique. Cela veut dire que vous avez une récupération énergétique de près de 80%. Dans un incinérateur de déchets, c'est déjà très bien quand vous arrivez à 40% de rendement énergétique. Cette énergie, vous pouvez la stocker. Vous pouvez aussi la transporter et vous pouvez l'utiliser pour différents usages comme faire du kérosène ou d'autres produits similaires. Cette usine à diesel est utilisée aujourd'hui comme usine pilote, faute de recevoir du plastique trié en flux constant. Ce débouché n'est pas rentabilisé à fond pour l'instant, c'est bien dommage. Flashback about the black oil. En 2005, la télévision suisse s'associait avec le festival Média Nord-Sud sur la question du pétrole, l'occasion de découvrir quelques reportages et quelques métiers, celui, entre autres, de courtier en pétrole. Les armateurs, propriétaires de navires comme les pétroliers, ces géants des mers, délègue fréquemment aux sociétés de management et de courtage maritime la gestion des bateaux. Ainsi, depuis Genève, il y a plus d'un millier de navires qui sont affrétés chaque mois. C'est l'activité de Marc Le Coanet, directeur général de River Lake Shipping. Cette société genevoise emploie plus de 24 personnes, une main-d'œuvre très spécialisée, dont la mission, pour la résumer, est de transporter le pétrole du terminal des pays producteurs aux pays consommateurs. Le transport du fret est en plein développement. Et de plus, il y a une forte demande en pétrole dans le monde. Pour l'instant, c'est quand même assez calme. Je ne parle pas trop fort pour ne pas trop déranger tout le monde, mais d'ici 30-40 minutes, ça va commencer à pulser, comme on dit dans notre métier. Donc la tension monte ? La tension monte, exactement. Et pour quelle raison ? Écoutez, à partir du moment où vous gérez des pétroliers et puis vous avez des marchés qui sont un peu difficiles, notamment comme en ce moment, on est un petit peu plus tendu. Sur Med. C'est depuis ici, finalement, depuis Genève, qu'on dirige ces bateaux. Tout à fait, ouais, les instructions viennent de cette pièce ici. Et quel genre d'instructions ? Ça veut dire qu'on peut dérouter un bateau ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si vous voulez, à partir du moment où vous avez conclu une affaire entre, avec un affréteur, c'est-à-dire quelqu'un qui possède la cargaison, vous devez ensuite donner des instructions au commandant du navire. Donc un bateau qui va, par exemple, dans le sud de l'Europe, peut d'un coup être dévié ailleurs. Oui, alors ça, il y a une première partie des instructions qui consiste à lui donner des informations, déjà pour lui dire où est-ce qu'il va charger. Ensuite, une fois qu'il a chargé, on va lui donner généralement une destination. Pourquoi seulement une destination qui est quand même relativement vague ? Par exemple, la Méditerranée, par exemple, le nord de la France, ce qui est quand même assez vague, on nomme pas un port. Et on nomme pas un port tout simplement parce que ce sont généralement des cargaisons de trading, à savoir que c'est une cargaison qui a été achetée mais qui est pas nécessairement vendue. Donc pendant qu'on charge, pendant qu'on commence à faire notre voyage, le propriétaire de la cargaison, généralement des compagnies pétrolières, on travaille essentiellement avec les grandes compagnies pétrolières, lui va décider de vendre sa cargaison. Ou alors il va décider de la mettre dans une raffinerie, par exemple plutôt dans une raffinerie dans le nord de la France plutôt que dans le sud de la France. Une des spécialités de cette société, c'est le transport du pétrole partant des terminaux situés dans les zones les plus septentrionales de la Russie. Et parfois, vous avez peur pour ces bateaux, pour vos bateaux. Oui, c'est un peu stressant, notamment lorsqu'ils se chargent de glace comme ça. On a un poids anormal à bord. Donc, c'est énormément de travail pour l'équipage pour essayer de gérer correctement cette surcharge de poids. Et s'il y a un incident, je veux dire, pour vous, il faut réagir vite, comment ? Si on le faire depuis Genève ? Oui, bien sûr. Si y a un incident, on doit réagir effectivement immédiatement, activer tout notre plan de gestion de crise, à savoir que chacun d'entre nous ici doit suivre un plan très précis en cas d'accident. On a un livre, véritablement un livre, qui doit nous expliquer, selon chaque situation, ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire vis-à-vis du navire et ce qu'on doit faire aussi vis-à-vis de la communication qu'on a avec les autorités et puis aussi qu'on a avec les médias. À ce moment-là, on envoie des gens à bord. On a constamment des gens qui se déplacent dans les ports, des gens qui sont même élitreillés à bord des navires si on estime qu'il faut aller à bord. Il n'y a pas place pour le moindre doute. On a pignon sur rue, on se cache pas. Nous sommes une société suisse, nous ne sommes pas une offshore. On gère des pétroliers qui sont de qualité extraordinaire. On se bagarre contre les pollueurs, on se bagarre contre toutes les bandes de corrompus qui sont encore sur nos mers. Je peux vous dire qu'on va essayer le mieux possible de communiquer. Parce que malheureusement, pour le grand public, ce sont les drames de l'Erika, ce sont les drames du prestige. Même si ça fait 20 ans qu'on fait ce métier, on a fait quelque chose comme 1000 transports l'année dernière. On n'a jamais balancé un seul litre d'essence ou de pétrole à la mer. Mais malgré tout, on est considéré aux yeux du public comme des pollueurs. Et on se bat dans notre métier, justement, pour que les gens comprennent qu'on doit être sérieux. Et puis, pour, à travers aussi ce genre de communication, expliquer au grand public, non, nous sommes pas des pollueurs, nous sommes des gens extrêmement sérieux et on va tout faire pour éviter les accidents. Et quand vous faites une affaire, qu'est-ce que vous faites ? On sonne la cloche. Le pétrole, c'est d'abord et avant tout une dimension économique. Steve Bernard, président de la fondation Genève Place Financière. Si vous permettez, peut-être rappelons que Genève est une place de négoce du pétrole, j'en parlerai tout à l'heure, mais ce n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui remonte en fait au Moyen-Âge, à l'époque où Genève était déjà une ville de foire internationale et économique. Et c'est en fait cette tradition qui s'est perpétuée de nos jours et qui fait que Genève est sans doute une des principales places du négoce, c'est-à-dire les transactions entre acheteurs et vendeurs, dans toute une série de matières premières, les grains, le café, le sucre et d'autres, y compris dans le pétrole. Dans le cas du financement du pétrole, la place de Genève passe pour être la première dans le financement du pétrole qui est libre, c'est-à-dire qui échappe aux relations entre États et majors. Il y a à peu près 90 millions de barils par jour. Et de cette quantité, donc, la place financière de Genève, les établissements bancaires de Genève, surtout une douzaine, se sont spécialisés dans le financement de ces transactions qui permettent à l'acheteur et au vendeur, qui ne se connaissent pas en fait, de pouvoir échanger la marchandise contre la confiance, la sécurité que l'argent leur arrive. Pour Genève, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils oscillent entre 30 et 40 milliards de dollars. 30 à 40 milliards de dollars d'échanges liés au pétrole. Pour en savoir un peu plus, reportage auprès d'un des plus importants observateurs de la question, précisément installé au cœur de Genève. Voici l'histoire de Konrad Gerber, l'homme qui traque le mieux les vérités et les mensonges dans le monde secret de l'or noir. Ce Suisse recueille des informations fiables sur la production mondiale de pétrole à travers une organisation dont la base est à Genève. Ces informations, les banques ou les compagnies pétrolières se les arrachent à prix d'or. Parce que demain, c'est la réunion des ministres. Mais retournons tout d'abord dans les années 60 en Afrique, au Zimbabwe, qui s'appelait encore la Rhodésie. Une minorité blanche détenait le pouvoir contre la volonté des Nations Unies. Ainsi, la Rhodésie dut faire face à un embargo qui l'a privé de pétrole. Konrad Gerber, né dans ce pays, n'a pas oublié cette époque. C'était une déclaration d'indépendance unilatérale, donc qui n'a pas été reconnue par le monde. Et le gouvernement de Sa Majesté a appliqué des sanctions et a demandé à l'ONU de faire la même sorte. Donc c'était une situation raciale, donc une minorité de blancs avec une poignée des noirs aussi dirigeait le pays. Et puis M. Ian Smith ne voulait pas avoir des élections libres pour ensuite avoir un gouvernement noir. Donc il s'opposait à ce mouvement. Cet embargo est pour Konrad Gerber, alors jeune fonctionnaire rhodésien, l'occasion de démontrer ses capacités à nouer des relations utiles dans le monde du pétrole. J'étais responsable, avec d'autres, pas moi seulement, pour vendre les minerais que produisait la Rhodésie et aussi pour acheter certains matériaux comme le pétrole. Parce qu'il y avait l'embargo. Il y avait l'embargo. Donc il n'y avait pas de pétrole disponible. Il fallait trouver un moyen de se le procurer, je dirais... Clandestinement, oui. Oui. Et de pouvoir contourner l'embargo. Et vous avez réussi à le faire. Comment vous y êtes pris? Vous pouvez le dire? On l'a fait, on a bien réussi. C'était pas trop difficile, parce qu'il y avait beaucoup de pétroliers et des traders indépendants qui frappaient à notre porte, parce qu'ils voyaient tout de bon en Rhodésie. Et puis, c'était un moyen aussi de faire un peu d'argent. Et voilà comment Konrad Gerber a attrapé le virus de l'or noir. Depuis Genève, il traque la vérité des marchés pétroliers, où, paraît-il, tout le monde a quelque chose à cacher. On est dans un endroit un peu étrange, un peu mystérieux, qui sent le pétrole. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais l'analyse dans le domaine du pétrole. Mes clients sont les plus grandes compagnies du pétrole du monde, ainsi que des banques et des traders. Mais je fais des analyses sur les parties du monde où les informations sont très difficiles à avoir. Par exemple, le Moyen-Orient, la Russie, l'Inde, l'Indonésie, etc., Afrique. Moi, je peux réunir des informations pour donner aux compagnies et aux clients des statistiques claires et intéressantes. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir ces informations? Oui, pour les compagnies, c'est très important parce que c'est quand même une grande partie des exportations du monde qui sont concernées. Alors, il faut avoir les bons chiffres pour pouvoir ensuite faire une analyse du marché entier et voir comment vont évoluer les prix. On prétend que vous êtes un peu un espion. Est-ce que c'est vrai? Mais non, pas du tout. Seulement, il faut savoir où aller chercher les informations. Et c'est dangereux parfois? C'est dangereux pour les correspondants qui donnent les informations, parce que dans certains pays, ces informations sont considérées comme des secrets d'État. Et puis, donc, il y a un risque pour certains de recueillir les informations et de me les envoyer par la suite. Genève est devenue une place importante dans le commerce mondial de pétrole. Il y a beaucoup de sociétés pétrolières qui se sont installées ici. Et puis, c'est un lieu très intéressant d'ailleurs, intellectuellement aussi, parce qu'il y a toutes les Nations Unies et des certains organismes dans les Nations Unies qui s'occupent de l'énergie en général, pas le pétrole spécifiquement. Il y a toute la communauté internationale, donc les diplomates, tous ceux qui donc sont ici. Vous écoutez et on vous écoute? Oui. Il faut surtout écouter pour être bien renseigné. Vous avez fait le bon choix? J'ai fait le bon choix. J'adore mon travail. Chaque fois que je pars de la maison au bureau, je ne sais pas ce qui m'attend au bureau. Et c'est ça ce qui rend finalement le pétrole plus intéressant que d'autres métiers. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Pétrole. Paysage de l'opacité où chacun connaît l'autre, sans forcément savoir ce que l'autre sait. Une démonstration de cette évidence avec Patrick Gantès au micro de Jean-Philippe Rapp. Patrick Gantès est secrétaire général du CRES, c'est-à-dire le Centre de la Recherche Entreprise et Société. Il connaît bien Conrad Gerber. Conrad, lui, regarde, je dirais, l'économie pétrolière, c'est-à-dire les chiffres. Conrad est un tanker tracker. Je crois qu'il y en a très peu, pardonnez-moi d'utiliser ce néologisme, mais il y en a très peu de par le monde. Sa mission première est de suivre les cargaisons, enfin le déplacement des bateaux, des cargaisons, pour déterminer, je dirais, les flux exacts. Nous, on va regarder la dimension politique, sociale du pétrole. On va regarder comment se prend la décision au niveau d'un État producteur. Quelle est la personne intéressante, je dirais, à contacter ou à vérifier, tel ministre du pétrole ou tel membre de son administration, ou éventuellement comment sont structurées certaines, structures pétrolières. Et ces informations sont pour qui? Pour les gens qui veulent bien nous faire confiance dans le cadre de certains contrats que nous passons avec eux. Et encore plus précisément? Travaillons soit pour, ça nous arrive de travailler pour des gouvernements étrangers, soit pour des administrations, soit pour des compagnies privées. Genève, c'est encore plus, à mon avis, c'est un Français qui vous le dit, mais c'est peut-être pour ça que nous nous sommes implantés. Certes, il y a une place financière, il y a une place économique, mais il y a aussi une place politique très importante. C'est un lieu de négociation, il y a toute la dimension, je veux dire, des organisations internationales qui existent. Pas oublier qu'il y a quand même eu des négociations, comme les accords d'Évian, il est évident que le pétrole était central, je dirais, entre la France et le FLN algérien, c'était une question centrale. Et on peut citer des exemples parmi tant d'autres ici. Quelles sont les sociétés qui sont là? Je dirais, elles y sont toutes, les grandes, dès qu'il se passe un événement, significatif. Bon, les Russes, c'est vrai qu'au niveau du trading, apparaissent, mais ils apparaissent aussi au niveau des Nations Unies, puisque Rosneft suit certains travaux des Nations Unies. D'autres vont suivre aussi le PNUD, d'autres ont des relations avec les banques. Enfin, je veux dire, soit elles y sont de manière permanente, soit elles apparaissent au travers de professions qui sont les professions bancaires, les avocats. Donc, il y a vraiment, je dirais, quelque chose qui est quand même assez diversifié. Notre épisode était intitulé « Origine, tarifs et dépendance ». Demain la suite avec un nouvel épisode intitulé « Des promesses, encore des promesses ».